Aujourd'hui, pour l'inauguration de l'exposition Sgt Pepper's, ici même à la Maison de la Radio, Affaires Sensibles vous propose d'écouter l'histoire de cet album des Beatles sorti le 1er juin 1967, il y a donc 50 ans, jour pour jour. La chronique de Sgt Pepper's, c'est celle d'un triomphe, celle de la maturité musicale des Beatles. En cette année 67, le groupe anglais hisse la musique contemporaine et populaire à un niveau jamais atteint. Dans un métissage musical audacieux et saisissant, mariant les sonorités orientales à la musique pop occidentale, chemin balisé depuis 2 ans par le cadet du groupe, George Harrison. Mais c'est le compositeur en chef des Beatles, Paul McCartney, qui a l'idée de cet album Sgt Pepper's, facétieuse mise en abîme de la part d'un groupe qui commence à se poser de sérieuses questions existentielles face à l'industrie du disque, dont il est devenu tête de gondole, produit marketing au risque de ne plus maîtriser son destin artistique. Une affaire plus sensible qu'il n'y paraît, car pendant les mois qui précèdent la sortie du disque, beaucoup de fans et de critiques musicaux doutent. Où sont passés les Beatles, eux qui ont arrêté les concerts en août 66 et dont l'inspiration semble tarie? Pourquoi sont-ils englués dans les polémiques autour de la drogue, dont ils apparaissent comme de coupables promoteurs? En d'autres termes, sont-ils finis? La réponse arrive le 1er juin 1967, donc fracassante, sous la forme d'un album qui fera dire un jour à un grand chef d'orchestre « C'est l'événement musical le plus important depuis les grands classiques, pas moi, et pour nous ». Sgt Pepper, ce sera la Chapelle Sixties, le disque classé en 1987 par la revue Rolling Stone, meilleur album de tous les temps. Notre invité aujourd'hui, après le récit, Jacques Volcouve, ancien président du club des Beatles, exégète reconnu de l'œuvre du groupe, il nous apportera son éclairage. Vous entendrez également un reportage d'Anaël Verzo, qui est allé à la rencontre d'un tribute band Beatles, The Rabbits, des fans du groupe et surtout d'excellents musiciens qui reproduisent sur scène l'œuvre des Beatles. Parmi les archives que vous allez entendre, certaines sont extraites des DVD Anthology Beatles, sorties en 1995 et 1996, l'autobiographie filmée des membres du groupe. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA et avec la collaboration des documentalistes de Radio France. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Valérie Priollet, programmation musicale Muriel Pérez, traduction Eric Oswald et Philippe Reltien, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Fabrice Desmaz. Country, decorated by their queen, and loved here in America, here are the Beatles! 21 août 1966, Busch Stadium, Saint-Louis, Missouri. Les Beatles sont sur scène dans le cadre de leur 3e tournée américaine. L'atmosphère est étouffante, moite, il pleut des cordes. Les 23 000 fans sont trempés jusqu'aux os. Le groupe n'est protégé que par des bouts de tôle ondulés suspendus au-dessus de la scène. Évidemment, l'eau s'infiltre, qu'elle tombe sur les câbles et tout le monde brûle. C'est un miracle si un tel drame n'est pas encore survenu. Atmosphère sordide et dangereuse. Et pourtant, rien que de très habituel. Il y a des lustres que les concerts des Beatles tournent à la farce. Les filles s'accrochent au grillage, envoûtées, extatiques. Dans ce regrettable Barnum, les fans hurlent et couvrent autant la musique que les voix des Beatles, qu'ils ne s'entendent plus jouer ni chanter. Ringo, dont la vocation en tant que batteur est de donner le tempo, est obligé de lire sur les lèvres du chanteur pour trouver la mesure. Un comble. La situation devient particulièrement malsaine. Au cours de cette tournée américaine qui se déroule du 12 au 29 août 1966, des spectateurs conduisent des aveugles, des paralytiques et des enfants estropiés jusque dans la loge des Beatles. Et il n'est pas rare que des mères demandent aux 4 membres du groupe d'embrasser ou de toucher leur progéniture handicapée pour qu'elle recouvre la vue ou la mobilité. Non, cette fois c'en est trop. Et puis la fatigue de courir le monde, d'être parqué dans des hôtels comme des singes en cage, de devoir faire du shopping en pleine nuit pour ne pas déclencher d'émeutes, de marcher sur l'eau et de produire indéfiniment le même spectacle. Tout cela finit par avoir raison de l'énergie du groupe qui crie en quelque sorte à l'aide. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find, I've changed my mind and opened up the doors. On devenait mauvais, même Paul McCartney le reconnaît, lui le staccanoviste, le bourreau de travail. Lui qui voulait continuer les concerts alors que les 3 autres avaient décidé dès le début de cette tournée d'arrêter la plaisanterie, eh bien lui finit par céder. Et c'est le concert du Missouri qui le convainc, la goutte qui fait déborder le vase. Vous aviez raison, moi aussi j'en ai ras-le-bol. Allez, on arrête, leur déclare-t-il. Ah quand même, ça fait des semaines qu'on te le répète, lui répondent les trois autres. La messe est dite. George Harrison, le guitariste solo du groupe, témoigne. We were just tired, you know, it had been... Ce n'était plus marrant. On en avait marre, c'est tout. Cela faisait 4 ans qu'on cavalait dans cette hystérie. On était fatigués, on avait besoin de repos. Moi, je pensais qu'on ne partirait plus en tournée comme ça. Je ne pensais pas vraiment à l'avenir. Je pensais que ce serait un tel soulagement de ne plus avoir à supporter cette hystérie. Le 29 août 1966, les Beatles se produisent au Candlestick Park à San Francisco. 25 000 spectateurs sont entassés. Le concert commence à 21h27 par une version abrégée de Rock'n'Roll Music et se termine à 22h par Long Tall Sally. 33 minutes de show, le minimum syndical offert aux spectateurs qui s'en contentent le temps d'un rêve, songe d'une nuit d'été. Mais ils ne le savent pas encore, plus jamais les Beatles ne se reproduiront sur scène. Dans l'avion qui les emmène à Los Angeles, George Harrison propose ce mot définitif comme une épitaphe sur la tombe d'une époque révolue. Voilà les mecs, tout est fini. Désormais, je peux arrêter de faire croire que je suis un Beatles. Début 66, John Lennon donne une interview incendiaire à la journaliste Maureen Cleave. Il affirme que les Beatles sont plus populaires que le Christ. Dans les états prudes du sud des États-Unis, où ils se produisent en concert, des autodafés de disques et de photos des Beatles sont organisés. Avec une sorte d'humour désespéré, Ringo Starr note que pour brûler un disque, il faut d'abord l'avoir acheté, et il faudra le racheter. Le 13 août, au Mid-South Coliseum de Memphis, des membres du Ku Klux Klan font piquer en costume devant l'entrée du stade, et l'un d'eux menace... Les Beatles ont déclaré qu'ils étaient plus importants que Jésus. Comme le Ku Klux Klan est un ordre religieux, il viendra ici la nuit où ils se produiront. Nous allons utiliser des tactiques et des moyens différents pour empêcher ce concert. Le Klan va venir ici mettre un terme à ces accusations. C'est du blasphème. Et nous y mettrons fin par tous les moyens possibles. Nous sommes un organisme terroriste. Nous avons les moyens d'arrêter ça. Il y aura beaucoup de surprises quand ils arriveront. Pendant le concert, ces fanatiques projettent des ordures sur scène. Le même soir, l'un d'eux lance un pétard. On s'est tous regardés parce que chacun de nous a cru qu'on s'était fait tirer dessus. Une ambiance épouvantable, raconte John Lennon. Les Beatles sont excommuniés. C'est la marque des grands. En août 66, John est obligé de s'expliquer et de rétropédaler sévère lors d'une conférence de presse aux États-Unis. Je parlais des Beatles en tant que phénomène. Les Beatles, comme les autres, nous voient. J'ai dit qu'ils avaient plus d'influence sur les jeunes que quoi que ce soit d'autre, y compris Jésus, mais je me suis mal exprimé. Au départ, j'avais fait remarquer, en parlant de l'Angleterre, que nous avions plus d'importance pour les jeunes que Jésus ou la religion, que je ne dénigrais pas. Je faisais une constatation, et c'est vrai, plus en Angleterre qu'ici. Et je ne nous compare pas à Jésus en tant que personne, ou à Dieu en tant que chose, ou à quoi que ce soit. J'ai dit ce que j'ai dit, et ça a été mal pris, voilà. L'émotion envahit la Grande-Bretagne. Si les Yankees touchent aux Beatles, ce sera le début de la Troisième Guerre mondiale, crient les fans à Londres. Heureusement, le pape pardonne. Alors, comme le torero, John Lennon peut dormir sur ses deux oreilles. See? De retour de leur tournée américaine, les Beatles font l'expérience inédite du temps libre. Paul et Ringo partent en vacances, George assouvit sa découverte des musiques indiennes et du sitar, John peaufine son look. C'est à cette époque qu'il adopte ses fameuses petites lunettes rondes qui lui donnent cet air pénétré de la conscience aiguë des problèmes du monde. Les Beatles peuvent alors se reposer, la conscience tranquille. Le boulot est fait, et quel boulot ! En août 66, ils sortent leur 7e album, Revolver, brillantissime, souvent plébiscité par les fans d'ailleurs, comme le meilleur disque du groupe. Il emmène l'auditeur sur des terres inconnues. Il se dégage de cette œuvre une force, une puissance, un halo de mystère dont témoigne le sublime Eleanor Rigby, où l'onirisme de McCartney s'exprime sur des mélodies et des arrangements librement inspirés de la musique classique. Picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Avec Revolver, cette œuvre majeure, les Beatles franchissent une frontière. Icône populaire, ils deviennent des créateurs, le gratin de l'art avant-gardiste. Fin du premier film, début d'un autre, tellement plus abouti, tellement mieux mis en scène. Tout sera meilleur, désormais, les dialogues, les images et surtout la bande originale avec un album, un autre, une bombe. Sgt Pepper's, matrice de la musique pop, étendard musical de l'été de l'amour. Le 24 novembre, les Beatles entrent dans le studio Abbey Road. Ils n'en ressortiront que 6 mois plus tard. « Vous allez voir ce que vous allez voir », répond McCartney au sarcasme de la presse, qui affirme que son groupe est fini et que son inspiration est asséchée. Les fans, eux, se lamentent. Mais enfin, que font les Beatles ? Où sont-ils ? La maison de leur manager est prise d'assaut par les teenagers, rendus fous d'inquiétude depuis que le groupe ne se produit plus en concert. Cette angoisse collective nourrit la presse britannique, bien sûr. Et pourtant, tout va bien, très bien même. Les Beatles créent, retranchés dans leur studio, là où ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Le travail débute sur un morceau de John qui évoque le souvenir nostalgique d'un orphelinat de l'armée du salut à Liverpool où il allait jouer quand il était enfant. Un drôle d'endroit, répondant au nom poétique de Strawberry Field, champ de fraises. Tony Paul multiplie les trouvailles musicales, il peigne des images sonores, commence par un motif central, base rythmique, basse, batterie, puis superpose des couches musicales et joue avec les bandes magnétiques, les passant parfois à l'envers, explorant ainsi toutes les possibilités offertes par le studio. L'intro, au synthétiseur Mellotron sur Strawberry Fields, petite merveille électronique, procède de cette recherche fondamentale et de la dynamique du groupe, dont se souvient, d'ailleurs avec émotion, le batteur Ringo Starr. On passait beaucoup de temps en studio et on faisait toujours les mêmes choses. Et ensuite, il fallait des semaines pour réaliser les doublages. Ce qui était super dans ce groupe, c'est qu'on écoutait toutes les idées. Si quelqu'un avait une bonne idée, on la prenait. Strawberry Fields arrive dans les bacs le 17 février 1967 avec en face B la réponse de Paula John. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. And all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. Évocation de la jeunesse des Beatles, là encore, portrait poétique d'un quartier de Liverpool, Penny Lane, où il est question d'une jolie nurse, d'un pompier un peu maniaque, d'un coiffeur débonnaire et d'un banquier légèrement déjanté. Tout cela illustre la fécondité rivale entre Paul et John, ou plutôt la féconde rivalité entre les deux. Lennon écrit pour lui, introspectif, existentiel. Paul écrit pour les autres, optimiste, insouciant. Ils sont les deux têtes de l'hydre musical et culturel de l'époque. En un mot commençant, psychédélique. État psychique résultant de l'absorption de drogues hallucinogènes, dit le petit Robert. Et Paul McCartney, qui en ce début d'année 67 déclare qu'il consomme du LSD. 20 ans plus tard, il s'en explique. Le journaliste m'a demandé « C'est vrai que vous vous êtes drogué ?» Là, j'ai pris une décision éclair en me disant « Soit j'essaie de m'en sortir en bluffant, mais il ne me lâchera pas, soit je lui dis la vérité. » Et puis merde. Mais je l'ai prévenu en lui disant « Vous savez ce qui va se passer ? On rejettera la faute sur moi parce que j'ai dit que je me droguais, mais c'est vous qui allez répandre cette nouvelle. Si vous avez peur qu'elle ait un impact sur les jeunes, n'en parlez pas. » I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will. L'aveu de Paul McCartney crée une vive polémique. Lui, le sage Beatles, le patron du groupe, avoue qu'il a pris de la drogue. Affaire sensible. Toute la bien-pensance britannique lui tombe dessus. Les Beatles découvrent la fumette au contact de Bob Dylan en 1965. Puis ce seront les produits de synthèse, LSD en tête. Hallucinations visuelles, auditives et temporelles, l'album que les Beatles se préparent empruntera cette voie avec ses courbes, sinuosités, motifs et entrelacs. C'est Paul McCartney qui signe l'acte officiel du mariage entre les Beatles et l'avant-gardisme. C'est lui qui entre en contact avec l'underground. Immergé dans le surréalisme et l'absurde, la poésie beatnik, les happenings et l'anticonformisme, il est en avance sur les trois autres. C'est donc lui qui imagine l'aventure Sgt Pepper's. Il en sera le maître d'œuvre. Il y avait beaucoup de groupes avec des noms à tiroir sur la côte ouest, comme Laughing Joe and His Medicine Band. Alors j'ai cherché un nom complètement dingue pour cet album qui devait mettre en scène un groupe fictif que j'identifiais aux Beatles comme une mise en abîme. On avait lu un article dans la presse qui disait que Elvis avait envoyé sa Cadillac en tournée. C'est vrai, tout le monde allait la voir et payait pour la voir, c'était génial. Lui, il restait tranquillement à la maison. Il se trouve que pour Sgt Pepper's, on n'avait pas envie d'aller en tournée. On avait décidé d'arrêter les concerts. Nous, on n'avait pas de Cadillac en or, c'était pas notre truc, alors on a envoyé le disque en tournée. Le 1er juin 1967, les rues de Londres sont le théâtre d'un étrange ballet. Devant chaque magasin de disques, les files d'attente s'étirent, plus ou moins disciplinées. Les fans sont en procession, l'excitation est palpable, l'événement d'importance. Car ce jour-là sort le nouvel album des Beatles, au titre effectivement qui n'en finit pas, Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band. Le critique new-yorkais Robert Christgau affirme que le disque est attendu dans le même état d'esprit qu'un nouveau livre des Dickens aurait pu l'être un siècle auparavant. Son confrère britannique, Kenneth Tynan, parle même de moments décisifs dans la civilisation occidentale. La promesse de Paul McCartney quelques mois auparavant va être tenue, et on va voir ce qu'on va voir. J'ai trouvé que c'était un formidable progrès. Parce que les journaux avaient dit « Que font les Beatles en ce moment ? Pas grand-chose, on dirait. » C'était génial de faire un album comme Sgt Pepper's. C'était comme un pied de nez. C'était super de leur faire la nique. Quand il est sorti, je l'ai adoré. J'ai fait une fête. Ce week-end était un peu comme une grande fête. Je me souviens avoir reçu des tas de télégrammes. Le truc le plus formidable, c'est qu'il est sorti un vendredi. Le dimanche, on est allé au Théâtre Saville, que Brian Epstein louait pour des concerts rock parce qu'il ne se passait rien le dimanche. Jimi Hendrix a commencé par Sgt Pepper's, qu'il avait appris en deux jours. Sgt Pepper's, c'est aussi une découverte tactile et oculaire. L'opus étonne par son packaging. Rarement un disque n'aura autant mérité l'appellation « album ». Il s'ouvre comme un livre, effectivement, avec une quatrième de couverture sur laquelle on peut lire les paroles des chansons, une grande première. Le chromatisme débridé de l'objet s'impose en page intérieure où trônent les Beatles sur fond jaune citron. Mais c'est surtout le recto de la pochette qui frappe les esprits. Au centre de la photo, au premier plan, les Beatles s'affichent dans un singulier déguisement. Vêtus d'uniformes victoriens d'opérette, comme à la parade, ils se tiennent debout derrière une grosse caisse estampillée Sgt. Pepper's, chef fictif d'un orchestre tout droit sorti de l'imagination de Paul. Derrière eux, une foule bigarrée de héros morts ou vivants où l'on distingue les visages d'Aldous Huxley, Marlon Brando, Tony Curtis, Oscar Wilde, Fred Astaire, Bob Dylan, Karl Marx, Marilyn Monroe, Charlie Chaplin, Lawrence d'Arabie, Lewis Carroll et les deux tiers de Cassius Clay. Oui, les deux tiers coupés dans le sens de la hauteur, ainsi qu'une poupée désarticulée sur le vêtement de laquelle on peut lire « Welcome to the Rolling Stone ». Ainsi s'affiche le panthéon personnel des Beatles, chef de file d'une culture musicale, d'une culture tout court, gourou autant que musicien en cette fin des années 60. It's getting better all the time. I used to get mad at my school. No, I can't complain. The teachers that taught me weren't cool. No, I can't complain. They're holding me down, turning me round, filling me up with your rules. I'm glad to admit it's getting better, better, a little better all the time. Can't get no worse. I have to admit it's getting better. Reste l'essentiel, le contenu musical et son fil d'Ariane, la vie quotidienne que chaque chanson raconte, du plus prosaïque avec Good Morning, au plus métaphorique avec Fixin' a Hole. Dans cette chanson, Paul déclare « Je creuse un trou dans lequel la pluie s'infiltre et invite mon cerveau à ne plus poser ses questions. » Le message est clair. La vie quotidienne, la vôtre, la mienne, la leur, fil conducteur du disque, oui, mais suffisant pour qualifier Sgt. Pepper's de concept album premier du genre, comme l'ont dit beaucoup de critiques à l'époque. John Lennon, lui, réfute sa label. En fait, il n'y avait pas de concept album, Sgt. Pepper. Juste des chansons qui collaient ensemble. C'était une très belle idée à l'époque. Mais maintenant, cela ne veut plus rien dire. Quand tu te penches sur les musiques une par une, il reste A Day in the Life. Mais vraiment, le concept musical n'est autre que des chansons qui s'enchaînent. Quoi qu'il en soit, riche, baroque, coloré, sitôt l'album Sgt. Pepper sorti, les critiques crient au chef-d'œuvre, fruit d'un travail colossal, 700 heures de studio du jamais vu à l'époque. Get older, losing my hair, many years from now. Will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me, will you still feed me, when I'm 64? Le travail sur Sgt. Pepper's commence par la confection de When I'm 64 de Paul McCartney, hommage à la musique que jouait son père. Quand j'aurai 64 ans, titre de la chanson, Paul l'a écrite à 15 ans, quand la vieillesse n'était qu'une abstraction. Au-delà de son rôle de leader et de concepteur en chef de l'album, Paul McCartney offre, avec d'autres chansons intitulées She's Living Home, la contribution la plus politique, la plus sociétale, dirions-nous aujourd'hui, de tout l'album. Dans ce morceau, il est question d'une jeune fille qui quitte le domicile de ses parents, comme ça, brusquement, sans prévenir. En 3 minutes, Paul dessine le portrait d'une génération. Sa chanson porte déjà les ingrédients de ce que sera mai 68, la contestation de l'autorité parentale. D'ailleurs, tout le disque traduit les évolutions de la société au cœur des années 60. Comme l'explique George Martin, l'arrangeur producteur du Beatles, issu de la musique classique et surnommé le 5e Beatles. Je crois qu'il représentait vraiment les préoccupations des jeunes. Il semblait coïncider avec une révolution dans les idées de la jeunesse. C'est probablement la quintessence des années 60. Ça allait avec Mary Kent, les mini-jupes et ce genre de trucs, et la drogue dans une certaine mesure. La liberté sexuelle, et celle des drogues douces, comme la marijuana. C'était une époque passionnante, et je crois que le disque la reflétait. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. La contribution de John Lennon à Sgt. Pepper, c'était à la hauteur de sa réputation. Certes, il a perdu le leadership du groupe, mais rien de son talent. Il en apporte la preuve avec Lucy in the Sky with Diamonds, dont l'onérisme saisit encore l'auditeur après des centaines d'écoutes. Et puis ce titre, cet acronyme LSD. John a toujours affirmé qu'il n'y avait aucun message. Non, qu'il s'agissait simplement d'un dessin de son fils représentant Lucy dans le ciel avec des diamants. Tu parles. Mais le titre, l'emblème de l'album, le morceau que beaucoup de spécialistes considèrent comme le plus grand chef-d'œuvre des Beatles, le mariage le plus réussi entre les talents de Paul et de John, quand le savoir-faire de l'un nourrit celui de l'autre, c'est A Day in a Life, la dernière chanson du disque, son feu d'artifice. Cette pièce en escalier, celle qui demande le plus de travail aux Beatles, 35 heures et pas une semaine. Les paroles sont extraites d'articles de journaux, de faits divers, au fil de l'actualité, collage impressionniste, un jour dans la vie, A Day in a Life. La chanson commence comme une simple balade pour guitare acoustique et piano, signée John Lennon, puis s'emballe jusqu'au chaos d'un orchestre symphonique jouant la même note jusqu'à l'extase. 42 musiciens jouent une note unique, donc, pendant ces 45 secondes, sous la direction de Paul McCartney. Le soin technique apporté à l'enregistrement est immense. Les micros sont si finement réglés que l'on peut entendre le système de conditionnement de l'air dans le studio. Dans la version définitive, on ajoute un son de 20 000 Hz perceptible seulement par l'oreille d'un chien, ce qui n'est pas forcément un détail en Angleterre. Puis arrive, sans crier gare, le pont apporté par Paul McCartney, fabuleux collage à la chanson de John Lennon. C'était surtout une chanson de John. Il s'était beaucoup inspiré du journal. Ensuite, j'avais un autre morceau. C'était mon petit boulot à moi, et ça n'apportait pas grand-chose. On a eu l'idée de le développer pour en faire une sorte de mini-opérette. Dès sa sortie, Sgt. Pepper s'est porté au nu. Il décroche immédiatement la place de numéro 1 dans les charts britanniques, place qu'il occupera pendant 4 mois et demi sans interruption. Le 1er juillet, il suit sur ses mêlées de parade américain. L'influence de l'album est considérable. Elle touche jusqu'aux experts du département de recherche en psychologie appliquée de Cambridge qui pensent que cet album peut aider les spécialistes à détecter des maladies cardiaques. Plus sérieusement, Sgt. Pepper marque un tournant majeur de l'histoire de la musique pop. De ce disque date la prise de conscience chez les jeunes musiciens que le rock et la pop constituent une proposition globale qui va au-delà de la musique, un art à part entière. Œuvre avant-gardiste par le son et par l'esprit, disséquée, étudiée comme un livre sacré, cet album doit être envisagé par son contenu et le rayonnement de son contenu. Car au-delà de ses qualités intrinsèques, il est l'incarnation, la substance de cette décennie psychédélique, le porte-drapeau de cette année 67 surnommée l'année de l'amour, fleur dans les cheveux et fumette à tous les étages. Les Beatles n'inventeront pas l'été de l'amour, mais ils l'incarneront avec ce qu'ils savent faire de mieux, la musique, et en l'occurrence avec cette chanson sortie 6 mois après Sgt. Pepper, une œuvre qui jusqu'à la fin des temps servira de marqueur à cette année 67. Play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le 50e anniversaire de la sortie de l'album des Beatles, Sgt Pepper's. Notre invité, Jacques Volcouve. Bonjour, Jacques. Bonjour, merci de m'inviter. Mais je ne sais jamais comment vous présenter exactement. Vous êtes collectionneur et je dirais historiographe des Beatles. Ah, j'aime bien ça, c'est joli. Historiographe. Une chose est certaine, vous êtes vraiment un grand, grand connaisseur des Beatles. Vous avez créé en 1973 le club des quatre de Liverpool. On en reparlera. Dites-moi, vous avez vendu toute votre collection. Ah, attendez, chez Drouot, vous n'avez pas l'impression d'avoir vendu votre vie, moi qui ai vu une partie de votre collection? Comment on vend un trésor comme ça? D'abord, j'ai pas vendu toute la collection. Ah bon? Ensuite, je suis un bon étudiant Beatles. Et George Harrison, notamment, dans We've Been You Without You, explique qu'on est dans un monde matériel et qu'on est dans une illusion. Rien ne nous appartient. On est éventuellement un peu le gardien de tout ça. Mais je me suis rendu compte, après, malheureusement, la disparition de mes parents, que ma collection, c'était elle qui me possédait, et non pas l'inverse. C'est-à-dire qu'elle prenait mon espace vital. Je suis asthmatique, donc j'avais des problèmes à cause de la poussière. Il fallait que je la mette. J'en ai mis une grosse partie dans un garde-meuble qui me coûte beaucoup d'argent et j'ai pas beaucoup de revenus. Donc je me suis dit, à un moment, en constatant qu'au fond je regardais pas ces disques tous les jours, ni les photos, ni les livres, et que quand j'avais besoin de faire quelque chose, c'était pour des raisons professionnelles, quand je refaisais un bouquin ou j'allais participer à une émission de radio et télé, et qu'au fond j'ai un copain qui s'appelle Monsieur Google et qui pouvait très très facilement m'aider. Voilà. Et pour le reste, je me suis dit, le mieux c'est que je puisse continuer continue à donner vie à cette collection au travers d'autres personnes qui ont la même passion que moi. Ça va pas me suivre dans la tombe, donc autant que ces gens puissent aussi en profiter. C'est George Harrison qui chantait dans un album solo « Living in a Material World ». Oui, hein, je crois. C'est exactement de cela dont je voulais parler. Ah, voilà. Je vous présente la personne qui est à côté de vous, le monsieur qui est à côté de vous, Jacques Volcou, s'appelle Michel Aurier. Bonjour Michel. Bonjour. Directeur de la musique et de la création culturelle à Radio France, et c'est à ce monsieur que l'on doit l'idée de l'exposition Sgt Pepper's qui ouvre ses portes ce soir, Michel. Ce soir, absolument. Et on en reparlera évidemment tout à l'heure. Jacques Volcou, vous êtes tombé dedans dans la marmite Beatles quand vous étiez petit ou plus tard? Bah, je suis tombé dedans avec Sgt Pepper's et Leonard Skinner. D'ailleurs, je vais tout de suite attaquer de front l'histoire de Sgt Pepper's. Je suis alors c'est même pas une question de connaissance des Beatles, c'est une question d'anglais puis simplement de regarder la pochette. Nous sommes 50 ans après et la majorité de vos confrères ne savent pas écrire le titre de cet album. Alors, il s'écrit SGT. Et partout SGT. Il s'écrit jamais intégralement. D'accord. Alors quand on le voit écrit intégralement, vos confrères écrivent Sergent S-E-R-G-E-N-T. C'est du français. Bien sûr. Alors qu'en anglais, c'est S-E-R-G-E-A-N-T. Deuxième erreur. Déjà. Deuxième erreur, on voit Sgt Pepper's, apostrophe S. Oui. Première année d'anglais, le cas possessif, apostrophe S, vous êtes obligé de mettre un complément d'objet direct derrière. Et le complément d'objet direct, c'est Lonely Hearts Club Band. Donc soit vous dites Sgt Pepper, point. Soit vous dites Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band. Et c'est vraiment très très ennuyeux, quoi. Bien, monsieur le professeur. Bon, dites-moi. Mais je dis ça parce que les Beatles m'ont enseigné l'anglais. Oui, à beaucoup d'étudiants d'ailleurs, mais des élèves en France. On parle de Madame Sextefort, souvent on l'apprenait à l'école. Voilà, et si je prends justement cet album Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band, on est en sixième. On nous enseigne comment utiliser some, any, many, no. Et là on dit mais quand, quoi, qu'est-ce? Ben, we've a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love, etc., etc. Could it be anybody? C'est formidable. Et à chaque fois, j'avais 20 sur 20. Bon, dites-moi, on va entrer dans la musique. Alors, bien sûr, il y a Sgt Pepper's, mais ce genre de chef-d'œuvre n'arrive jamais comme ça, tombe pas du ciel. Hein. Il y a une histoire avant, il y a des racines. Et très bien relaté. Formidable, Fabrice, que vous avez dit tout à l'heure. Extraordinaire. C'est magistral. J'ai peu de fois entendu un texte sur les Beatles aussi abouti et aussi remarquable. Je tiens à vous le dire. Merci. Alors, si quelquefois on a l'esprit critique dans cette émission, c'est pas tellement exprimé aujourd'hui, mais c'était pas le but du jeu. Avant, Sgt Pepper's, il y a eu cet album que je trouve personnellement absolument époustouflant. C'est Revolver. Et parce que c'est important, parce qu'il y a deux périodes chez les Beatles. C'est une période qu'on pourrait appeler jeune, ado, qui va jusqu'à Rubber Soul, où il y a quand même un petit tournant, là. Et ce tournant, il s'exprime vraiment avec Revolver. Alors, j'ai ma propre émission sur les Beatles avec un camarade qui s'appelle Pierre Mitz, que je salue comme ça au passant. L'émission s'appelle « Et les Beatles chantaient ». Et chaque fois, on choisit un thème. Et un jour, on a fait une émission uniquement consacrée à Rubber Soul et Revolver. Et à chaque fois qu'on passait les morceaux, on se disait « Mais qu'est-ce que c'est génial ! Mais qu'est-ce que c'est génial ! Et extraordinaire !» On se rend pas compte du nombre de compositions remarquables qui sont sur ces deux albums. Et c'est souvent qu'on entend « Ah mais moi, Sgt Pepper, j'aime pas trop, mais en revanche, Revolver ou Rubber Soul, je sais pas, Yellow Submarine, Eleanor Rigby, Drive My Car, Michel, Girl, Tomorrow Never Knows, là je les ai dit comme ça en passant. » J'ai fait un mélange des deux. Voilà, j'ai fait un mélange des deux. D'ailleurs, quand on revoit l'anthologie, on se souvient très bien qu'Harrison dit Revolver aurait pu être le Rubber Soul volume 2. Ouais, ces deux disques qui sont comme des frères et qui continuent, qui ouvrent une porte et une progression. L'un ouvre la porte au deuxième et qui ouvre la porte au troisième, qui sera Sgt Pepper. Alors justement, comment il s'inscrit Sgt Pepper? C'est comme le troisième temps de cette valse pop, c'est ça? Oui, puis comme vous l'avez si bien dit, il s'arrête de tourner. Et là, McCartney était allé faire un petit voyage aux États-Unis avant de revenir pour composer la musique du film The Family Way. Lennon tourne son premier film en solo avec How I Won the War. Voilà comment j'ai gagné la guerre avec Richard Lester. Et quand il revient des États-Unis, il est dans l'avion et il demande à Mal Evans, qui était l'un des deux road managers des Beatles, il lui dit passe-moi le sel. Et salt and pepper en anglais. Ouais. SP déjà. C'est Paul qui parle. Hein. Voilà, c'est Paul qui parle. Et la façon dont il lui a répondu, Mal Evans, il a compris Sgt Pepper et non pas salt and pepper. Quand on prononce les deux, c'est très proche, quoi. Et l'idée a commencé à germer. Ensuite, comme vous l'avez si bien dit, ils ont appris que Elvis Presley a envoyé sa voiture au lieu de la sienne. Et il s'est imaginé que en créant un groupe qui soit un groupe fictif, donc le Sgt Pepper's Lonely Club Band, eh bien, il serait en quelque sorte libéré de la pression qu'ils avaient en tant que Beatles. Et c'est exactement ce qui s'est passé tout d'un coup au niveau création, c'est extraordinaire. Comme vous l'avez si bien dit, ils commencent les enregistrements avec Strawberry Fields Forever. Ensuite, ils font Well, I'm 64. Ensuite, ils font Penny Lane. Ensuite, ils font A Day in the Life. C'est ouais. la quatrième chanson qui est enregistrée chronologiquement, alors qu'elle trouvera sa place à la fin de l'album. Mais on se dit, mais comment ces mecs, ils faisaient? Je rappelle qu'ils composaient sans se connaître le solfège. Alors, quand on dit cinquième Beatles, moi, je continue à dire qu'il n'y a que quatre Beatles. Mais en revanche, George Martin, leur producteur, a su être comme les tailleurs de Savile Row. Il leur a fait un costume remarquable pour leurs chansons. Il les a habillés d'une façon remarquable que personne d'autre que lui n'aurait pu le faire à l'époque. Et il les aimait, surtout. On a l'impression qu'il parlait de ses fils. Hein. Ils étaient les boys. J'ai eu le bonheur un jour de voir une masterclass avec lui. Il disait au départ, on avait un rôle, eux étaient les galopins, les élèves. Puis ça commençait à s'équilibrer. Puis après, j'étais leur serviteur. Bon, alors, Jacques Volcouf, vous n'aimez pas qu'on dise fan club, parce que c'est vrai que parfois la notion de fanatisme n'est pas au service de la bonne cause. Oh oui. Donc c'est un club d'amoureux, de Beatles, passionnés. Oui. Eh bien, Annaëlle Verzo, notre reporter, bonjour Annaëlle. Bonjour. A rencontré d'autres passionnés. Vous êtes allée à Amiens, Annaëlle. Oui, rencontrer des fans des Beatles, enfin, des passionnés des Beatles. Ils sont quatre vieux copains, ils ont la cinquantaine, donc ils viennent d'Amiens, ils adorent les Beatles depuis toujours. Et voilà, ils sont ni frustrés sexuellement, ni envahis par la folie. On va dire que c'est une scène Beatlemania. Alors, il y a Slee, Deep, Marcello et Flam. Ça, c'est le nom du groupe, parce que justement, ils forment le groupe The Rabbits, un jeu de mots entre lapin, rabbits, et le battement Beats. Ils l'ont, n'est-ce pas, monsieur le professeur d'anglais, ça vous va? Bon, comme les Beatles d'ailleurs, hein, mais évidemment. Et ils font tout comme les Beatles, enfin sur scène, hein, pas dans la vie. Voilà, sur scène, ils enfilent les mêmes perruques que les Beatles, les mêmes costumes, exactement les mêmes costumes. Ils ont des guitares de la même marque que celles des Beatles. Mais c'est ce qu'on appelle un tribute band. Et en plus, ils sont bons musiciens, hein, ils reprennent une bonne cinquantaine de morceaux des Beatles. On va dire presque à la perfection, si je puis me permettre cet oxymore, presque à la perfection. Voilà, et ils remplissent les salles trois fois l'Olympia. Ils ont joué au Bataclan, à la Cigale, au Grand Rex, au Palais des Sports de la Porte de Versailles, là même où les Beatles, d'ailleurs, ont commencé leur tournée européenne le 20 juin 1965. Ah, mais on va écouter tout ça. Longo, ici Longo. Sly, vous êtes le chanteur. En fait, moi, j'ai appris à jouer de la guitare et à chanter pour jouer et chanter les Beatles. C'était mon but, c'était de devenir Beatles. J'ai fait des études d'anglais, je suis parti vivre à Londres, tout tournait toujours autour de ça. Et je me souviens encore de la lettre d'un copain qui, parce qu'il savait que j'allais revenir en France, qui m'envoie une lettre là-bas à Londres et qui me dit « Si tu reviens en France, si c'est pas pour faire Beatles, c'est pas la peine de revenir. » Donc je l'ai écouté. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous a plu au départ chez les Beatles? Ce qui m'a sauté aux oreilles quand j'étais gamin, c'est l'harmonie des voix. Magnifique, sur une musique rock. Tout ce qui est de la musique pop, donc populaire, vous écoutez tous les groupes aujourd'hui, tous se revendiquent des Beatles. Vous êtes? Je suis Flam, le batteur. Et? Deep, le bassiste. Notion de groupe, quand on entend les Beatles travailler, on se dit, ah là, c'est des alchimistes, quoi. Un côté magique. Ils jouent bien. Ils sont bons, mais ils sont pas. Il y a rien d'extraordinaire à tomber par terre individuellement. À quatre, c'est incroyable. Et chez vous, il y a des Beatles, il y a des affiches des Beatles. Moi, j'ai John Lennon empaillé. j'ai un Beatles empaillé chez moi. Ouais, non, moi j'ai des. Moi, je suis très très joué des années 60, 60s, 70s, et donc ouais, j'ai pas mal de jouets ayant rapport aux Beatles. J'ai un bout de carrelage des stations de métro londonien où Paul McCartney s'est amusé à faire la manche. Et vous? J'ai quasiment que des disques. Des Beatles? Oui, mon banquier n'a pas toujours été d'accord. Ah, à ce point-là? Ah oui, oui. C'est-à-dire que vous avez combien de disques des Beatles? Mon Dieu, un petit 200 quand même. Mais je ne suis jamais allé à Liverpool. Ouais, c'est la notion de rêve que je veux pas casser. Mais vous aurez envie quand même d'aller à Liverpool un jour dans votre vie, non? Oh oui, peut-être, ouais, quand je serai jeune. Mais autant Londres, j'y suis allé une paire de fois, puis j'y retournerai. Hein, mais... La première fois, je suis allé à Abbey Road. Je suis allé dans le studio, le fameux studio. J'ai pleuré, parce que bon, ils l'ont laissé tel quel, c'est... Wow. Ouais, c'est, franchement, c'est impressionnant. Maintenant, je me suis pas dit, tiens, ça y est, je suis Ringo Starr. Ah bon? Ah non, je te déçois. Là, vous nous jouez laquelle? Oula, Norwegian Wood. Had a girl, or should I say, she once had me. Alors les costumes sont là. Costumes orange, rose, bleu et vert. Wow. À l'identique. À l'identique, fait par une spécialiste des costumes des Beatles aux États-Unis. Mais votre public vous prend pour les Beatles, non? Non. Non, non, on les trompe pas non plus à ce point. Moi, je ressemble pas à Ringo Starr. Non, c'est vrai que vous ressemblez pas vraiment aux Beatles, physiquement. Pas vraiment. Enfin, je vous ai pas... Là, il faudrait mettre la perruque, les vêtements. Mmh. Et... Vous avez des perruques, toujours? Ah oui, oui. Mais de toute façon, de la même manière qu'on a le costume, de la même manière qu'on a les mêmes instruments, les mêmes amplis... Ça, c'est le côté panoplie d'enfant, en fait. On est des grands enfants. Et est-ce que vous gagnez autant d'argent que les Beatles? Non, on aimerait bien. Depuis le Brexit, non. Mais bon, après, nous, notre vrai rêve, ça serait de jouer avec eux, ne serait-ce qu'une chanson. Quel est votre titre préféré? Ah, aujourd'hui, c'est Pepper Bell Crater. Moi, c'est Come Together, depuis toujours. Alors, moi, c'est pas depuis toujours, mais j'ai redécouvert, justement, avec l'orchestre avec lequel on joue, A Day in the Life, avec tout le passage complètement psyché au milieu qui fait... C'est celui-là, mon préféré. Vous jouez quelque chose, les gars, ou pas? Qu'est-ce que ça vous inspire, Jacques Volcou? C'est Tribute Band, qui, moi j'en ai vu plusieurs, je trouve qu'ils jouent bien, franchement. Alors, généralement, alors, je suis pas être exigeant non plus. Je suis pas très enthousiaste. Pour moi, c'est des ersatz et je préfère les documents originaux. Il y en a tellement maintenant sur YouTube que quand je m'implique dans un tribute band, je veux pas de papier, je veux pas de copier-coller, je veux pas que ce soit exactement la même chose. J'ai travaillé avec deux groupes il y a quelques années. Il y en a un avec mon ami Jean-Michel Marquebiel, qui s'appelait le Bel Air Rock Band. Et on avait fait enregistrer tout un album avec que des chansons qui n'étaient pas sorties par les Beatles dans leurs albums. À l'époque, on avait au fond créé le 14e album des Beatles et la BBC avait trouvé ça remarquable. Le résultat était remarquable. C'était des chansons que John et Paul et une que George Harrison avaient composées pour d'autres artistes, mais que les Beatles n'avaient jamais sorti. Et là, il y a une création. C'est pas uniquement je copie note pour note. Quel est l'intérêt de ça? Par exemple, à Drouot, le premier soir, on a fait venir un groupe qui s'appelle We Love You Paul. Ce qui me plaît chez ces mecs, d'ailleurs, justement, ils se costument pas en Beatles, ils s'en foutent de ça. Ce qui est important, c'est la musique et ils font parfois des fautes, mais c'est tellement vivant, on sent tellement l'amour qu'ils ont pour ces mecs-là que c'est communicatif. On avait les commissaires priseurs qui sortaient de leur salle de vent en disant qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ça. Je suis pas moi dans ces bon voilà, ça me lasse quoi. Quand quelqu'un me dit je me déguise en Beatles, je sais pas. Avant il me disait je me déguise en zéro. Bon, c'est leur façon d'être, très bien, mais je suis pas très très enthousiaste. Bon, sur ce genre. Bah vous pouvez, évidemment, d'autres le sont, ça fait plaisir à beaucoup bien de gens, sûr, voilà, et ça existe. Bien, dernière question avant d'en poser plusieurs d'ailleurs à Michel Aurier, Jacques Volcou, on se souvient que quand les Beatles sont venus à l'Olympia à Paris 64, c'est janvier ça? Janvier 64, oui. Bon, bah déjà, j'avais l'année, c'est déjà bien. Ils sont en première partie, il y a un autre... Non. Expliquez-nous ça, parce que là, il y a, oui, y a un problème. C'est bien de reparler de ça, parce que j'ai vu une interview d'Antoine Decaune dans le dernier numéro de Rolling Stone, où il continue à entretenir cette fausse idée. Les Beatles étaient les vedettes à l'Olympia. J'ai eu le bonheur de rencontrer Jean-Michel Cocatrix. Bruno Cocatrix. Je confonds avec Jean-Michel Boris, qui est aussi Jean-Michel Boris dit la même chose. Les Beatles étaient les vedettes. Ils n'ont jamais été en première partie de Sylvie Vartan. Ce qui s'est passé. Et Trini Lopez. Alors, il y avait Trini Lopez. Il y avait même Pierre Vassiliou au même concert. Ouais. Il y avait des numéros de cirque. C'était un musical, faut pas l'oublier. Ils signent leur contrat à l'été 63 avec les Beatles et Brian Epstein. En quelques semaines, les Beatles deviennent énormes. Ouais. À ce moment-là, Epstein essaye de les faire tourner en Suède, c'est énorme aussi. Il avait eu envie de les envoyer en Israël, mais en Israël, ils n'ont pas voulu entendre les Beatles à l'époque. Il y a des bêtes et des idiots partout, même en Israël. Et donc, la tournée, le passage à l'Olympia qui était prévu en septembre 63 est repoussé à janvier 64. Et à ce moment-là, Brian Epstein aurait pu racheter le contrat à Bruno Cocatrix en lui donnant tout l'argent. Mais il n'a pas voulu faire ça. Il a respecté à la note près ce contrat. Ils sont venus 3 semaines à l'Olympia. Ils ont joué parfois 2 concerts dans la même journée. La France et Paris a été le seul pays au monde à avoir dans une même salle 3 semaines de suite les Beatles. Alors c'est vrai que celui qui remportait le plus de succès tous les soirs, c'était Trini Lopez avec If I Had a Hammer, Si j'avais un marteau. Que François a repris. Voilà. Ouais. Et Sylvie était... en fait, elle était juste après Trini Lopez. Bien, Michel Aurier. Alors, je fais la transition, les Beatles en France. Alors, effectivement, ça restait Trini Lopez qu'on venait voir. Mais bon, le rapport entre les Beatles et la France est un rapport hautement pacifié. Tout va bien, il y a plein de fans, d'amoureux des Beatles à Paris et en France. Alors, d'abord, merci Michel Aurier. Bravo d'avoir eu cette idée de faire une expo à Radio France sur Sgt Pepper's. Moi, quand j'ai appris ça, ça m'a fait énormément plaisir. Et ça a dû faire plaisir à beaucoup, beaucoup d'amoureux des Beatles. Comment vous est venue l'idée? Les 50 ans déjà, mais oui, d'accord. L'idée, elle était assez simple. C'était le 50e anniversaire. C'est un album qui est un album charnière. C'est-à-dire, il y a un avant, il y a un après Sgt Pepper. Mmh. C'est un album qui couvre des mondes différents. Et à partir de là, c'est l'histoire de notre histoire de la musique qui bascule et qui devient autre chose. Donc j'avais vraiment envie qu'on se serve de ce prétexte anniversaire pour vraiment réinterroger cet album, cette époque, et puis voir un peu les branchements qu'on pouvait avoir aujourd'hui avec ça. Et ce qui est formidable, c'est de le faire évidemment à la Maison de la Radio, parce que il y a nombre de producteurs qui immédiatement ont ressorti des archives, sont allés chercher des anecdotes qui racontent cette histoire magnifiquement, comme vous le faites d'ailleurs, Fabrice, dans l'exposition, puisqu'il y a toute une séquence que vous animez, mais il y a aussi Valli, il y a Bertrand Dical, il y a beaucoup de producteurs, Rebecca Manzoni, Michka Sayas, enfin, il y a beaucoup de gens qui ont participé à cette exposition, et c'est formidable de le faire avec eux, parce que évidemment, tout ça nous a permis de faire cette expo sur 9 séquences différentes qui à chaque fois racontent un pan de cette histoire-là, que ce soit l'année 67 et ce qui s'y passait, que ce soit les fameuses paroles de ces titres-là, et puis tout ce qu'on peut trouver autour de ça. Et donc c'est un petit voyage immersif qui dure 45 minutes, qu'on fait 4 par 4, parce qu'on a voulu faire un peu cette chose. Et puis, et on termine par un passage en studio où on peut remixer soi-même l'album, les 4 pistes de l'album. Inauguration, ce soir? Ce soir à 18h30. 18h30, merci infiniment Michel Aurier. Merci. Non, Jacques, on n'a pas le temps. Je voudrais juste dire, Sgt Pepper est à nouveau numéro 1 en Angleterre. 50 ans après. Génial, mais ça sera le dernier mot. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la sortie de l'album Sgt Pepper's, le 50e anniversaire. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci Fabrice Drouel. Lundi, prochaine émission d'Affaires Sensibles, une nouvelle diffusion de février 2019. On vous propose une série de 4 épisodes réalisés par Cédric Ossir sur l'histoire du Front National et de la famille Le Pen. Lundi, ce sera le premier épisode au Royaume des Aveugles. Très belle soirée sur France Inter.